وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الأخير إن شاء الله في دراسة التوحيد. سندخل الدغنيغ السيز التوغ دي لتود دي مونوتيسم. فنتذكر قول الله سبحانه وتعالى ودعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا إمام الموحدين يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، فكيف بنا نحن؟ إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو هذا الدعاء ويخاف على نفسه من الشرك، كيف بنا نحن وهو خليل الله ومن أولي العزم من الرسل؟ وسغابلي فخيرون الله عز وجل الدعاء دو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم يلي دي دون القرآن alors c'est l'imam du monothéiste par excellence، c'est l'ami intime d'Allah، c'est l'intime d'Allah عز وجل، et pourtant il faisait ce دعاء: Oh Allah, évite-moi ainsi qu'à ma descendance d'adorer les statues. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Lui, c'est un messager, c'est un prophète. Illumine Allah Azza wa Jal. Il a peur de l'associationnisme. Comment nos autres petits minus ne devront pas avoir peur de l'associationnisme? C'est énorme. Quand on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les réactions et les positions du prophète alayhi salam? Il faut les méditer. C'est cet imam, l'imam du monothéiste par excellence, a fait ce dua. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Yaqub alayhi salatu salam, la même chose, au moment de la mort, il dit à ses enfants: Mada ta'buduna min ba'di? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ça prouve que la situation du monothéisme est très importante, que l'associationnisme, c'est énorme, que c'est une énorme gangrène, que ça anéantit tout. Ça détruit tout sur son passage. Ça, regardez comme ce matin cette histoire de cet Égyptien. On a posé la question à Ibn Baz, rahimahullah. L'homme, il a oublié de faire Tawaf al-Ifada ou Tawaf al-Wada. Il s'en est rappelé qu'une fois en Égypte. Et on lui a dit en Égypte: vas-y toi, fais Tawaf autour d'El Badawi. Ça te suffira. Et s'il croit cette situation, que ça lui suffit le fait de tourner autour, même si c'est la tombe d'un prophète, s'il y croit, sa situation est dangereuse. C'est énorme, c'est de la mécréance. Et regardez, Serb Ibn Baz, quand la question lui est arrivée, il a pleuré. Il y a des larmes qui sont sorties de ses yeux. Par pitié d'être arrivé à cette situation-là. Il a dit, est-ce que la question était, est-ce que son hajj est valable? Il a dit, je ne parle pas qu'il n'a pas de hajj, mais je crains qu'il n'a pas d'islam. C'est énorme l'associationnisme. C'est une situation très dangereuse. Et nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On ne mesure pas réellement les situations. Et des fois, toi, tu ne fais pas attention. Et ta compagne, peut-être qu'il verse dans l'associationnisme. Parce que tu es d'un mauvais comportement avec elle. Parce que, etc., peut-être qu'elle, il fait appel à Mamadou, il fait appel à Oufqé, il fait appel à tout ça. Il s'attache à ça. Donc des fois, pas croire, il ne faut pas s'endormir sur l'affaire de l'association et de croire que c'est gagné. Il faut tout le temps vérifier et regarder. Et faire attention à ce que nous prononçons. Des fois, on prononce des paroles de l'associationnisme sans le savoir. Des fois, on agit des actes. Ce sont des actes de l'associationnisme sans le savoir et sans le vouloir. Il faut être éveillé. faut faire très attention. L'amr khatir jiddan. فعلينا بتعلم التوحيد وتعلم الدين وتعلم وإتقان العقيدة وإتقان التوحيد ولا نكون كأولاء السفهاء الذين يقولون إذا مات تدرسون التوحيد ليس وقت التوحيد الآن وقت جمع شمل الأمة كيف أنت تريد أن تجمع شمل هذه الأمة إن لم تجمعها على التوحيد إن لم تجمعها على عقيدة صحيحة ولن تجمعها على توحيد الله سبحانه وتعالى كيف يتسنى لك أن تجمعها على ماذا تريد أن تجمعها La situation est très dangereuse frère Allah عز وجل Il faut qu'on donne la part du lion de notre temps au dogme, aux croyances et au monothéisme pour le maîtriser et le perfectionner et le parfaire dans notre vie hein? et ne pas être comme ces insensés qui disent jusqu'à quand on va étudier le monothéisme Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa da'wa. Aujourd'hui, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Et sur le lit de l'agonie de la mort, hein, il disait, faites attention, ne soyez pas, ne prenez pas les tombes hein, comme des mosquées. Ne soyez pas comme les juifs, etc. Il avertit contre l'associationnisme. Le début de sa vie, il appelle au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin de sa vie, au moment de la mort, il avertit contre l'associationnisme. Parce que la situation est énorme. Hein? Parce que tout ce que nous ferons dans notre vie, ce n'est pas basé sur le monothéisme. C'est de la fatigue pour rien du tout. C'est de la fatigue pour rien du tout. Amilatun nasiba, comme il est dit dans le Coran. Il a œuvré, mais il s'est fatigué tout simplement. Tasla naran, hamia. Il va aller directement vers un enfer qui est chaud, brûlant. Hein? Il faut faire très attention à ça, il faut qu'on ne soyons pas. Non, ah, l'étude des noms et des attributs d'Allah, c'est secondaire. Hein? Là, pour l'instant, il faut réunir la communauté. Tu veux la réunir sur quoi, Harry? Si tu ne la réunis pas sur le monothéisme, sur quoi tu vas la réunir? Si tu ne la réunis pas sur le droit d'Allah, le droit le plus important d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur quoi tu vas la réunir? Si tu ne la réunis pas sur le pilier principal de cette religion, et le pivot autour duquel a tourné la da'wah de tous les messagers alayhi salatu wa sallam, autour de quoi tu vas la réunir? Ce sont des réunions en vain, qui ne servent à rien, parce qu'ils ne sont pas basés sur l'essentiel, sur le but pour lequel cette créature a été créée, réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa tawhidu huwa haqqullahi ala al-abid. C'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous ses serviteurs. فاعلم انه لا اله الا الله هذا امر مهم مهم للغايه فعلينا ان نفهم التوحيد وان نفهم ان التوحيد اهم من الصلاه واهم من الزكاه واهم من الحج واهم من الاخلاق واهم من كل شيء il faut que nous comprenions que le monothéisme c'est beaucoup plus important que l'union de la communauté beaucoup plus important que les piliers de l'islam Ils sont importants les piliers de l'islam. Mais s'ils ne sont pas basés sur le monothéisme, ils n'ont aucune valeur. C'est avec le monothéisme que les piliers de l'islam ont une valeur. C'est avec le monothéisme que notre comportement, notre application de la religion, mise en application de la religion, a sa valeur. Sinon, il n'y a aucune valeur. Hein? Faire très attention à ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte rien s'il n'est pas basé sur le monothéisme. Rien n'est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. De là, il faut donner l'importance à ce sujet et le maîtriser. Si tu vois des gens agir mal, etc. Si tu vois des gens agir mal, etc. C'est parce qu'ils ne connaissent pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Parce que s'ils le connaissaient, ils ne feraient pas du mal. Hein? Si tu vois des gens faire n'importe quoi, hein? Que ce soit parce qu'ils ne connaissent pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils le connaissaient comme il se doit, par ses noms, par ses attributs, ben ils mettraient en application les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sauront qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ça veut dire, Allah voit. Donc ils ne feront pas n'importe quoi. Ils ne voudront pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit du mal, le mal qu'ils font. Et ils ne voudront pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala entende le mal qu'ils disent, et ainsi de suite. Mais également parce que la connaissance et la compréhension La connaissance d'Allah Azza wa Jal n'est pas là réellement, donc les gens font n'importe quoi. Ne crois pas, tout le mal que tu vois en face de toi, C'est parce que les gens ne connaissent pas réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'ils le connaissaient réellement, il n'y aurait pas de mal à l'islam. Ils feraient leur compte. Hein? Ils savent qu'ils sont observés à chaque moment, ben ils vont faire leurs actes comme il se doit. فعندما نزل المسلمون ورأوا المشركين عندهم شجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن والله لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة كنت au moment d'une bataille رسول الله عليه وسلم des nouveaux convertis étaient avec lui, ils sont sortis avec lui pour une bataille. Hein? Ils sont passés à un moment donné sur un endroit où les associateurs avaient un arbre sur lequel ils accrochaient, par demandant la bénédiction à leurs armes. Et cet arbre, on l'appelle Datu Anouad parce que justement, on accroche hein, dessus. Ils ont dit à Rasulallah, fais-nous, choisis-nous une Datu Anouad, un arbre. Pour accrocher nos armes. Rasulullah s'en les a regardés, il lui a dit, Allahu Akbar, ce sont les sunan, hein? Ce sont les voies. Vous avez dit par Allah, comme on dit, Banu Israël, Moussa, alayhi salam, donne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Kannahu yaqulu lahum, antum mu'minuna wa hum mushrikun. Hal il mu'minu ya'taqid wa yata'allaq fi shajara? أو يحسن الظن في الجمادات كما يفعله المشرك. Comme si dans le hadith il leur disait, est-ce que vous êtes des croyants, ce sont des associateurs. Est-ce que le croyant doit attacher son cœur, doit être attaché à un inanimé, à un arbre ou à autre chose. Est-ce que le croyant doit avoir des bonnes suspicions sur l'inanimé qui ne peut rien? Ou avoir des croyances sur l'inanimé qui ne peut rien pour lui. ففي بعض المناطق في مصر يضعون تحت الشجر أطباق من الأرز باللبن. وفي جنوب المغرب النساء تعلق أطوابهن الداخلي لكي تنجب. ونفس المعتقد عند المصريات عندما يضعنا طبقة الأرز واللبن وبعضهم يقول هذا مجرب والبعض يدفع الناس إلى الطواف بالقبور والمبيت في الأضرحة وفي بعض البلدان كما كان في الشرق الأوسط قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله كانت النساء تأتي إلى ذكر النخل وتقول له يا فحل الفحول أريد فحلا قبل الحول ها؟ فهكذا وهذا الآن هذه الترهات وهذه الاعتقادات لا زالت عامة وطامة في مشارق الأرض ومغاربها Dans certaines régions d'Égypte, frère Allah, Azzawajal, les femmes ramènent sous des arbres des plats de riz avec du leben. Au sud marocain, quand tu traverses à partir de la route qui va t'amener de Ouarzazate à Zagora, et quand tu prends de l'autre côté du versant la route de Ouarzazate qui va t'amener vers Tenrir, vers Rachidia, tu comptes des arbres, des épineux. Et les femmes déchirent leurs vêtements intérieurs et ils l'accrochent. Pour, croyant que plus le vent va faire bouger ce vêtement intérieur, que ça va bouger dans leur intérieur et qu'ils vont avoir des enfants. Et les femmes égyptiennes, quand ils posent le plat d'Yelben, le riz avec l'Elben au pied de l'arbre, la même chose, ils ont cette croyance aussi. Avant la da'wa de Mohammed ibn Ablab, aussi, en Arabie Saoudite, les femmes venaient vers le mâle des palmiers. Ils l'appelaient le fahl, l'étalon. « Oh, étalon, donne-moi un mari avant la fin de l'année. Hein? » Encore de nos jours, des gens, hein? Tu dis, ça, c'est expérimenté, fais-le. Le fait de dormir dans le sanctuaire de tel marabout, c'est expérimenté, tu peux être un maître chanteur. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir des enfants, tu n'en as pas. Et ainsi de suite. Et les gens y vont, ils croient. Et l'on voit, va faire des tours autour des temples, tu verras la réussite que tu auras. Et ainsi de suite. D'un traînent leurs enfants à travers certains saints de certaines villes, et pour avoir l'intelligence, ils leur font manger des raisins qu'ils payent très cher. 3 ou 4 graines de raisin qui sont trempées dans l'eau de la fontaine. Quelle eau de la fontaine, il vient de l'eau? De la régie de l'eau. Donc il y a du chlore dedans et tout ça. C'est même pas l'eau du puits. On pourrait dire qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. C'est de l'eau, de la régie de l'eau. Il trempe dedans ces 3 raisins, il les mange avec une fourchette. 3 raisins pour avoir l'intelligence. Et tout ceci, ce que tu as entendu, et pire que ça encore, existe maintenant. وبمظاهره الخبيثة فاذهب إلى ما يسمونه المولد الزينبي في مصر والمولد البدوي في مصر وموسم المولد الحسيني وموسم مولاي إدريس الزرهون بالمغرب وانت واللائحة طويلة. Et si tu veux t'arrêter à ça et le voir, et voir l'ignorance comment il est, et l'association de comment il s'accomplit, va faire le tour au moment, ce qu'on appelle les moussems de certains sanctuaires. Va voir en Égypte ce qui se passe autour du sanctuaire de celle qu'ils appellent Siti Zainab, ou le sanctuaire de l'Hussein. On ne sait pas combien de Hussein il y a, parce qu'il y a 3 tombes de l'Hussein dans le monde. Une au Caire, une l'Irak aussi, et le réel corps, il est dans le Baqir. Alors, autour de quoi il tourne? En Égypte et en Irak, etc. Tu vois que les gens sont insensés. Mais quand on est dans l'associationnisme, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Va voir proche de toi, le nord du Maroc, on donne le moussem de Moulay Idriss Zerhoun. Et tu verras ce qui se passe. Tu verras ce qui s'égorge pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait le tour du monde au moment de ce qu'ils appellent Huma le Mouloud, soi-disant l'anniversaire de la fête du Prophète, qui, comme je vous l'ai dit hier, c'est une fête créée de toutes pièces par Sikhouba, c'est-à-dire l'Batiniya d'Al Ubaidiyoun. En imitant qui? En imitant les chrétiens. وسترى أخ الإسلام العجب العجاب حتى في هذه الآونة الأخيرة ظهرت في هذه المواسم أمور غريبة حتى أصبحت تلك المواسم تجمعا للشواذ ويعرف بعضهم بعضا من خلال بعض الأوشمة بطريقة خاصة والسلطات في بعض المناطق تحاربهم في تلك المواسم. Tu vas faire le tour de ce qu'ils appellent les moussem, ces fêtes, de ces sanctuaires. Tu vas t'arrêter sur des choses quand tu les verras. Wallah, la sueur froide va t'aller. Tu aurais aimé être sangloutir dans la terre. Au lieu de voir ça, ce qui se passe. À tel point que maintenant, le mal a atteint le sommet. Que certains moussem, certaines fêtes de ces sanctuaires, est devenu le lieu de rencontre de tous les homosexuels, que ce soit les filles ou les garçons. Ils se reconnaissent avec certaines formes de tatouages qui s'effacent facilement, soit fait avec le henné ou avec une autre matière. Et dans certains pays, les autorités leur font la chasse. Regarde. Comme dans certaines moussems qu'ils appellent les moussems de la fécondité, c'est la débauche totale que tu vois. Les gens sont censés se recueillir pour quelque chose. Mais là, c'est la débauche totale et l'adultère. Aux yeux aussi de tout le monde. Mais, après la mécréance, il n'y a pas de péché. T'attends pas un mécréant, un associateur, t'attends pas d'un bien de lui. La ligne rouge, il l'a dépassée depuis longtemps. C'est fini. Il n'y a plus de péché pour lui. C'est fini. La limite, il l'a dépassée depuis très longtemps. Il a transgressé la loi d'Allah. il a spolié le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne t'attends pas de lui d'un acte qui soit bon. فالصحابة رضوان الله عليهم عندما قالوا اجعل لنا ذات أنواط برغم أن هذا الكلام في نفسه شرك ولم يفعله ولم يكفرهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعكس ما يفعله رويبضة زماننا في التسرع في تكفير المسلمين بل حتى ولو فعلوه وهم لا يعلمون لا يعلمون حكمه لما خرجوا من ملة الإسلام عند أهل العلم المحققين وإن كان ما فعلوا كفرا أو شركا وهنا يصدق قول الله عز وجل كما يقول أهل العلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون دونك لي كومبانيون دو محمد عليه الصلاة والسلام كنت يدون دي الرسول صلى الله عليه وسلم دونو ديزينو إن دات أنواط أن أرضه malgré que cette parole est une parole de mécréance Rasulullah ne les a pas rendus mécréants. Contrairement à ce que font les insensés de notre époque sur dans les rooms d'Yel Tkfir et autres, etc. Ils les auraient kaffar directement. Et même s'ils l'avaient fait, alors qu'ils ne connaissent pas la sentence, qu'ils ne savent pas que c'est un acte d'association, ils ne seraient pas sortis de l'islam, comme disent dans la parole la plus authentique chez les hommes de science. Hein? Et là, disent les hommes de science, vient la parole, ceci va de pair avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et beaucoup en croyant sont associateurs. Ils ont la foi quelque part, mais en même temps, ils tombent dans un certain acte d'associationnisme. قضية تسمعها من عوام المسلمين هنا وهناك يقول لك أنا جربت هذا الرجل جربت إنه خريت جربت المبيت في هذا الصالح جربت ابنة فلان كتابة هذا وهذا يقول له أهل العلم اصبر ففيما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه دخل على امرأته فوجد في عنقها خيطا فقال الله أكبر آل عبد الله أغنياء عن الشرك وأمسك بالخيط وقطعه قالت ما هذا يا ابن مسعود إن عيني كانت تخذف فقالوا لي إن فلانا يرقي فرقى لي في هذا الخيط فذهب عني ما كنت أشد Il y a quelque chose que tu entends des communs des musulmans. Déjà, j'ai expérimenté le fait d'avoir écrit cet homme. J'ai expérimenté l'amulette que m'a donnée Mamadou. J'ai expérimenté la amulette de Mohammed. Et ainsi de suite. La fille de tel a expérimenté. Le fait d'avoir couché dans tel sanctuaire a été expérimenté par tel, etc. Et tous, ils font quoi? Ils font la publicité à la... à l'association, et fait d'envoyer les gens à s'attacher à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cela, les hommes de science leur disent, à patienter un petit peu. Et dans ce qui a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, un jour, il est rentré chez lui. Il a vu sa femme avec une amulette autour du cou. Un fil, qu'il y a quelque chose qui est accroché. Il a dit, Allahu Akbar, la famille d'Abdullah, et d'Abdullah ibn Mas'ud, sont au-dessus de l'association, n'ont pas besoin de commettre de l'associationnisme. Il l'a appelé tout de suite associationnisme. Il a pris le fil, il l'a arraché, il l'a jeté. Sa femme lui a dit, Ibn Mas'ud, doucement, mon œil me faisait mal. Il n'arrêtait pas de bouger, et j'avais trop mal aux yeux, et on m'a dit que tel, il fait ruqya. J'étais le voir, il m'a fait ruqya sur ce fil, je l'ai accroché. Et quand je l'ai mis autour du cou, c'est fini. Je n'ai plus mal aux yeux. C'est-à-dire, comment il a été rentré là-bas? Par les autres. Ça a été expérimenté par tel. Nous l'avons expérimenté, il l'a envoyé. Mais regarde. Abdullah ibn Mas'ud, il l'a arraché avant de parler. La famille d'Al Abdullah n'a pas besoin d'associationnisme. Et au-dessus de l'associationnisme. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad al-khayt. Fahad وخيوط في اليد في كذا وكذا. فهذا الخيط من الناحية الطبية هل فيها أشعات حمراء أم ماذا؟ سفيل au niveau médicinal, est-ce qu'il y a des rayons X ou des rayons rouges dedans ou quoi? Tu vois beaucoup de gens autour de toi, ils ont des fils jaunes, rouges, etc. dans les lobes des oreilles, etc. Hein? Et aussi au niveau des cou, au niveau des mains, et ainsi de suite. Enfin, si ces fils hein, ont quelque chose, une puissance, il y a des rayons qui vont empêcher l'œil, ou là qui vont jeter, combattre une maladie ou quoi. Il n'y a rien dedans. قال لها ابن مسعود رضي الله عنه وأن ننتبه جيدا لمن تربى في مدرسة التوحيد لمن شرب التوحيد من عند إمام الموحدين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأول شيء تعلم أولئكم الأخيار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وجعل الطريق طريقهم والمنهج منهجهم أول شيء تعلموه التوحيد وأول شيء يدافعون عنه التوحيد وأول شيء ينكرونه ويدفعونه الشرك. Non, écoute, il lui a dit, quant à Shaitan, et maintenant je veux que tu observes la position d'Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie de ceux qui ont été éduqués sur le monothéisme et qui se sont abreuvés de monothéisme directement par les enseignements de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ces nobles que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et a fait que leur chemin, c'est le seul chemin qu'il agrée, la première des choses qu'ils défendent, c'est le monothéisme. Et la première des choses qu'ils blâment et qu'ils combattent, c'est l'associationnisme. Hein? On ne va pas être mieux qu'eux. On ne va pas être comme Siminus de ces partis qui disent « Laisse-le, le pauvre personne, s'il s'étale sur une tombe, il trouve son apaisement et qu'il est avec nous, il n'y a pas de problème. Laisse-le dans l'association du moment qu'il est avec nous, qu'il augmente le nombre, qu'il nous donne sa voix, ce n'est pas un problème. Qu'il meure dans son associationnisme. On n'a rien à faire. Mais qu'il nous donne sa voix, tout simplement. Ce qui nous intéresse, c'est donner sa voix et sa cotisation. Hein, c'est tout. فقال لها أما إن الشيطان كان ينخس لك في عينيك فلما علقت هذا الخيط تركك. Il lui a dit, Shaitan te piquait dans cet œil. Quand tu as accroché ce filet et ce fil autour du cou, il t'a laissé tranquille. Hein? Parce que Shaitan, il cherche de toi l'associationnisme. C'est ce qu'il veut de toi, l'associationnisme en priorité. Après, s'il ne peut pas, l'innovation. S'il n'arrive pas, la désobéissance et les péchés. Il veut quelque chose, mais en priorité, l'associationnisme. Et regardez, ceux qui ont perfectionné le monothéisme, qui savent ce que c'est que le monothéisme, ils savent ce que c'est que l'associationnisme, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Shaitan, tu piquais dans ton œil, et quand tu as accroché, ce filet, tu t'es accroché à ce filet, ben ça y est, il t'a laissé tranquille. Il impacte, il influence, dit le shaitan, et l'impact de shaitan sur l'être humain, ça ne le rejette que celui qui est entêté et qui s'enorgueille, tout simplement. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana idha jama'a ahlahu wa 'allamana an naf'ala dhalik kana yaqul bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan وجنب الشيطان ما رزقتنا ويقول وهو داخل إلى الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناتهم. Donc notre prophète عليه الصلاة والسلام nous enseignait comment se préserver من الشيطان. Même avant d'avoir un acte avec sa femme, il disait عليه الصلاة والسلام au nom d'Allah, oh Allah, بسم الله, oh Allah, évite-nous الشيطان. Évite à ce que tu nous as donné comme séduction, Shaitan. Il doit y avoir un enfant qui va naître de cette goutte de sperme, de cet acte, qui soit épargné par le Shaitan. Hein? Et quand il rentre sur le point de rentrer aux toilettes, Bismillah, oh Allah, protège-moi des Shayatin, des mâles, des shayatin et de leurs femelles, le khubut ou le khaba'it. Les mâles et les femelles. Hein? Maintenant, tu vois ce monde que tu vois dans lequel Yanni, bismillah, n'est rien du tout. Tu marches dans la rue et tu commences à embellir ta voix avec le Coran, tu vas voir comment il tombe. Parce que personne n'a dit bismillah au moment où il a eu l'acte avec sa femme. C'est normal que tu leur vois des réactions bizarres. Hein? Et des réactions, des fois, même les médecins, ils ne savent pas ce qu'il a. Si un nid dit le shaitan, il est né d'une goutte disperse qui n'est pas sorti avec bismillah, la nourriture des parents, il n'y a pas de don bismillah, tout est dans la même créance, qu'est-ce que tu veux qu'il soit protégé de quoi? C'est normal que le médecin ne lui trouvera rien du tout. Il le passe au scanner, il se scave à tout, il n'y a rien. Pourtant, il souffre. Et il a des réactions bizarres, mais il n'y a rien. Il ne voit rien. Et l'impact d'Yal Shaitan, à l'islam, il ne nie l'impact d'Yal Shaitan que quelqu'un qui est entêté. Hein? Mais ceux-là, ceux de l'école de la raison, au moins, il faut quelque chose de soit concret. Et comme nous avons vu ce matin, l'invisible, la croyance en invisible, c'est la plus grande caractéristique de ceux qui croient en Allah Azza wa Jal. Et c'est l'un des piliers de la foi, du fait de croire en l'invisible. Al-shayatin hada alamun mawjoud. Alamul jinn, alamul haqiqi. Wa laysa wahman, wa hum umaman mitlana. Wa rabbuna yaqul wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. عالم مكلف مثلنا شامل فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم التبليغي وفيهم الإخواني وفيهم الخارجي وفيهم الصوفي عالم مثلنا أمم مثلكم وفيهم الكذاب وفيهم الله عز وجل الشياطين العالم ديال الجن c'est un monde qui existe. Ce sont des communautés comme nous dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je ne crée les génies et les humains que pour m'adorer. » Et c'est un monde dans lequel tu trouves toutes les communautés qu'il y a dans la communauté humaine. Les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et dans toutes ces communautés, il y a des sectes. La même chose chez eux, il y a des sectes. Tous, ils sont présents. Hein? Les anciens et les nouveaux, les khawarij, les tablir, les ikhwan, etc. Ils sont atteints de la même chose, des mêmes maladies. C'est des communautés comme nous. Ah. Le menteur parmi vous, le ruseur, hein, etc., etc. C'est pour ça, les hommes de science contre quelqu'un, il fait le ruqya à quelqu'un, ne lui conseille pas de parler avec. Parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas. Donc, tu ne sais pas à qui tu as affaire, si c'est un menteur ou là quelqu'un qui dit la vérité. Il lui voit justement une de ses armes et une de ses façons de se protéger, c'est qu'il te ramène à ce que tu lui parles. Et si tu lui parles, tu ne vas plus lire le Coran. Donc il ne reçoit plus les... Il ne se brûle plus. Il est tranquille. Il a un instant de répit. Ce que les hommes de science conseillent. Lis tout simplement. Laisse-le. Même s'il s'exprime. Laisse-le. Lis. C'est tout. Parce que si tu rentres en contact, tu parles avec... Il prend du répit. Il se repose. Hein? Il se repose. Fa wa tabata fi sahih. Anna rajulan qad arrasa wa huwa jadid hadith bi zawaj. Wa lamma hasalat waq'at al khandaq kharaja yahfir ma'a as-sahaba ridwanullah alayhim. Fa kana yasta'di an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'ud ilayhi ila ahlihi fi al-layl li'annahu jadid 'ahd bi zawaj. والخندق شغل فيه الصحابة لأنهم استنفروا وطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا وهذا الصحابي عندما كان عريسا جديدا كان يستأذن للذهاب إلى ومرة عاد إلى بيته ووجد زوجته واقفة على الباب فرفع رمحه ليطعنها ما الذي أخرجك من البيت قالت اصبر وانظر ماذا في الفراش. Donc, nous a été rapporté authentiquement, dans l'authentique, qu'un homme, un jeune marié, quand il y a eu la bataille des tranchées, il est sorti avec les compagnons pour creuser les tranchées. Hein? Et le soir, lui, il demandait la permission au prophète alayhi salam de revenir à la maison. Parce que c'était un nouveau marié, le rasoul alayhi salam lui donnait l'autorisation de revenir. Hein? Et les compagnons, rasoul alayhi salam leur a demandé de sortir pour aller hein, se préoccuper du fait de creuser les tranchées pendant pour cette bataille. Ce jeune, il prenait l'autorisation du soir. Et un soir, en revenant, il voit sa femme devant la porte. Il prend sa lance. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais devant là? Avec sa lance, il la menace. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il lui dit, attends, fais rien que tu vas regretter. Attends de rentrer pour voir ce qu'il y a à la maison. فَدَخَلَ فَإِذَا بِالْفِرَاشِ حَيَّةٌ كَبِيرَةٌ فَطَعَنَهَا بِرَمْحِهِ فَمَالَ بِتَشَّابُ أَنْصُرِعْ يقول راوي الحديث فلا ندري منهما من الذي مات هو الأول ما زالت الحركة بالتعبان فإذا بالشاب يسقط دون أن يمسه التعبان. Donc quand il est rentré, il a vu une énorme vipère dans le lit. Sa réaction comme tout homme, qu'est-ce qu'il a pris? Il a envoyé sa lance, il l'a tué avec la lance qu'il avait à la main. Le serpent bougeait, il n'était pas encore mort, que le jeune est tombé aussi. Et le serpent ne l'a pas touché. Et le rapporteur du hadith, il dit, on ne sait pas lequel qui a rendu l'âme en premier, si c'est le serpent ou le jeune. فَلَمَّا أُخْبِرَ بِذَلِكَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلصَّحَابَةِ إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم هذه الحيات فأدنوها ثلاثا فإن رأيتم منها شيئا بعد الثلاث فاقتلوه. Et quand ils ont annoncé la situation, l'événement à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, dans la ville de Médine, il y a des jeunes qui se sont convertis à l'islam. Quand vous voyez ce genre de hayat, ce genre d'animaux comme les vipères, etc., quand il est chez vous, vous l'avertissez pendant 3 jours. Hein, qu'il parte. Il a dit, au bout des 3, s'il est encore là ou qu'il fait quoi que ce soit, vous le tuez. Mais pas avant les 3. وهنا بين لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الشاب لم يقتل ثعبانا في الحقيقة وإنما كان هذا جنيا تشكل في صورة التعبان. فلما قتله انتقم إخوانه من الجن له لأن القصاص عندهم كذلك كما هو عندنا تماما فقتلوه به النفس بالنفس. Et ici le prophète عليه الصلاة والسلام leur a détaillé la situation, les a éclairés sur cette situation. Il leur a montré comme quoi ce jeune n'a pas été tué, hein, que ce jeune n'a pas tué un serpent en réalité, mais il a tué un jinn qui a pris la forme du serpent. Et quand il l'a tué, ben il est évident, les siens parmi le jinn, ils se sont vengés, parce qu'ils connaissent aussi dans leur coutume la loi du talion, âme pour âme. Hein? Ils l'ont tué par vengeance de leur frère. وهنا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعامل تعاملا حذرا مع ما يتوقع أن يكون من الكائنات جنيا متشكلا في صورة من الصور والمقصود أن الجن خلق لهم تأثير ولهم حركات ولهم نشاط ولهم وعليه فإن الشيطان قد يؤثر في الإنس كما قال عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Donc partant de là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment être vigilant dans ces situations et de faire très attention. Et il nous a montré certains animaux qui prennent l'aspect dans lequel rentre le jinn, qu'il faut faire très attention. Et le but c'est que le jinn, de savoir que hein, ce sont des êtres qui existent. Celui qui ne croit pas en le jinn, ça veut dire qu'il y a tout un passage du Coran qui s'appelle Sourate al-Jinn qu'il ne reconnaît pas. Le fait de ne pas reconnaître un verset du Coran, C'est un acte de la mécréance. Qu'est-ce qu'il en est quand c'est une sourate complète, hein? Et que le djinn, c'est des créatures qui ont un impact avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut atteindre qui que ce soit parmi nous. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné comment s'en protéger. Alors, c'est un ennemi, tu ne veux pas lui donner un pot de vin. Hein? Il aime jouer avec un chocolat, ou là avec un café, ou là un thé à la menthe, ou là. Ou alors, ta protection, c'est de mettre en application ce qu'il t'a enseigné. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu seras protégé bi'idhnillah azza wa jal. Son équivalent, pour que tu le comprennes bien, c'est que lui, il s'attribue une voix de là où on ne le voit pas. Nous, on ne les voit pas. Mais ouais, il te voit. C'est comme l'équivalent de deux boxeurs de la même taille, même gabarit, même catégorie. Mais tu montes un sur le ring, tu lui bandes les yeux, et l'autre, tu le laisses avec les yeux, et regarde. Celui qui a les yeux bandés, il envoie les coups partout. Mais celui qui, dans les yeux, il voit tout, il donne un coup, il le ramène KO technique. C'est tout. La même chose avec Shaitan. Et si tu ne te protèges pas, tu oublies tes invocations du matin, tes invocations du soir. Quand tu rentres aux toilettes, tu ne fais pas tes invocations. Quand tu enlèves tes vêtements, tu ne fais pas Bismillah. Et quand tu sors de la maison, tu ne fais pas tes invocations. Tu es vulnérable. C'est toi qui cherches. Allah, il t'a donné. Il t'a montré comment tu vas être protégé. La protection est min Allah. Mais tu dois utiliser le moyen que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un moyen dans lequel, quand on le fait, c'est quoi? On accomplit le monothéisme. Parce que tous ces deux, ce n'est que le monothéisme. Tu cherches quoi? Aide auprès d'Allah. Refuge. Donc tu mets en application ton monothéisme. Hein? Donc ton monothéisme, il est avec toi pour tout. Il te protège dans ce bas monde, avant le delà. Il te protège de ce monde que tu ne vois pas. Hein? Qu'il soit le djinn ou qu'il soit ce que tu vois aussi les humains. Imagine, tu sors de ta maison, bismillah, tawakkaltu Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Shaitan, il dit, ça y est, hada, il est protégé de sa journée. C'est fini. Il ne peut plus rien. Tu es rentré dans une citadelle. Tu vois, quand il y a la cavalerie qui arrive, etc., et on rentre les vieillards et les personnes dans une énorme citadelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent dehors. Ils attendent là, le moment où la situation va être vulnérable, où il y aura un manque d'attention, etc. La même chose, ouais, de nous, il attend toujours ça. Le moment où tu vas pas faire attention, bac. Et il est dit aussi dans le verset, et le djinn a de l'impact sur la personne, il touche la personne avec l'ordre. Là, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut que quelqu'un soit atteint par le djinn, il est atteint. Il est dit dans le verset, ceux qui mangent riba, pour se lever, il se lève comme celui qui est touché par Shaitan. Comment il se lève celui qui est touché par Shaitan? Ah, il passe à se lever complètement. Hein? Dans tous les sens. Shaitan, yumkinu an yamassa al-insan. Shaitan touche l'être humain. Hein? Mais il le touche. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et quand cette personne est vulnérable, il n'utilise pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'utiliser. وأهل العلم هذا الصلع قسموه إلى قسمين حتى لا تختلط علينا الأمور ففيه صلع عصبي فالصلع العصبي هو الذي يعالج عند أطباء العصب وأطباء العصب أنفسهم تأتيهم حالات ويعترفون بقولهم هذه لا نستطيعها وتسمع ممن أصيب بالمس عملت تحاليل وصور للمخ ومع ذلك لا يوجد شيء عضويا في فالمس حق ولا ينكره إلا مكابر. Et les hommes de science, pour que les situations ne se mélangent pas pour nous, ont divisé le mess, le fait d'être touché par le djinn, sal'ada, le fait d'avoir des crises, etc., comme les crises d'épilepsie, se tordent dans tous les sens, etc., est tombé, ils l'ont divisé en deux. Et il faut savoir faire la différence en deux. Il y a un qui est le domaine de la personne, c'est une question de nerfs, quelque chose de psychologique. Et ceci, c'est ce que la maladie chez les médecins, des nerfs et les médecins, les psychos, etc. Et il y a l'autre, le mess, dit le djinn, hada, ils ne peuvent rien du tout. C'est pour ça que même, les médecins qui s'occupent de, des fous, etc., et des fois, ils se trouvent des fois dans des situations qu'ils ne peuvent rien, ils n'arrivent à rien trouver. Ils n'arrivent à rien trouver. Avec les scanners, avec tout, ils ne trouvent rien. Et la personne te dit, rien, ils ont trouvé rien. Et le médecin lui-même, il ne comprend pas. Certains médecins font des fois même appel. Certains, hein, dans des cas, font appel à des frères qui font ruqya. Ici. Les frères à qui on a fait appel pour voir la situation, ils savaient que ce n'était pas du domaine psychique, du domaine des nerfs, etc., que c'était un domaine d'ilgin. Hein? Donc celui qui dit que maintenant, le mess d'ilgin et le fait d'être atteint n'existe pas, Ada, c'est un entêté. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a guéri certains cas comme ça. Une femme devant lui, il venait le voir, lui a dit, « Ya Rasulallah, je suis atteinte par des crises et je tombe. Faites dua pour moi pour que je ne tombe plus. » Il a dit, « Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, deux choses. Je fais dua pour toi et tu vas être guéri. Sinon tu patientes et tu endures et tu es le paradis. » Il lui a dit, « Je veux le paradis, mais je veux une chose. C'est quand j'ai mes crises, que mes vêtements ne se lèvent pas, que ma pudeur soit cachée. » Rasulullah lui a fait dua. Et chaque fois qu'il tombait cette femme après, il était tout le temps couverte. C'est-à-dire, ses parties intimes et tout était caché. Hein? Rasulullah, une femme lui a dit, il lui a ramené un gamin, tout petit. Il lui a dit, Hada, il a des réactions, etc. Rasulullah n'a rien fait d'autre que, il a tapé sur la poitrine, il a dit, Okhruj adou Allah, sors ennemi d'Allah, et comme un caillou de sang a sauté devant. Pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais il ne faut pas non plus être pris par ça tout le temps. Il y a maintenant une maladie, un petit peu en Europe en entière, je ne sais pas ce qu'ils ont. Chacun étudie, j'ai un gène en réalité. Simplement. Il vit tout seul tout le temps. Il chroure jusqu'à 11h midi. Des fois, il ronfle. Hein? Des fois, Al-Fajr, il ne le voit pas. Ses invocations du matin ou du soir, Allahu alam. Et comment veux-tu que tu ne sois pas atteint? Des fois, ce qui est interdit, comme il ne travaille pas, etc., ce sort pontable, il y a, soi-disant, pour apprendre des arts martiaux. Les arts martiaux, mis avec elles, il y a des parties intimes qu'on voit. Il y a la musique, il y a les génériques, etc. Et comment tu veux que tu ne sois pas atteint? Tu ouvres la porte et tu te rends vulnérable, tu ne veux pas être atteint. Et des fois, c'est un domaine psychique. Voilà des personnes, ils te parlent, mais tu sens que la personne, c'est plutôt quelque chose en lui qui ne va pas. Et des réactions psychiques de la part de la personne, et quelqu'un qui est parti faible déjà, perdant à la base, son point de départ quand tu sens tes paroles, c'est pas quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un de perdant. Donc ça, c'est quelque chose dans son nefs. Ça n'a rien. Et après, il attribue ça à Shaitan. L'air, à l'islam. Pas non plus tomber dans l'excès. Hein? Il faut être vigilant et savoir et éveiller. Et savoir que Shaitan, s'il doit nous atteindre, il va nous atteindre. Rien ne va faire. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété, ce sera ainsi. Il faut utiliser les moyens que Rasulullah nous a enseignés pour s'en préserver. Et le reste... Toi, tu utilises les moyens, tu mets en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, et le reste, tu le laisses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-maqsoud anna ba'd al-ta'thirat hiya asbab sabab ash-shayatin wal jinn. Fala yankhadi' al-muwahhid wa sadaqa al-layth ibn Sa'd rahimahullah, 'alim Misr wa muftiha fi zamani rahimahullah, 'indama qala idha ra'aytum ar-rajula yatiru fi al-hawa' wa yamshi 'ala al-ma' فاعرضوا أمره على الكتاب والسنة تأملوا هذه البصيرة التي أوتيها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لم تطرأ عليه هذه الشبهات قال إذا رأيتموه يطير في السماء فاعرضوا عمله على الكتاب والسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة الإسلامية ليوثا كالليث بن سعد يحيي الله بهم السنة ويميت بهم البدع والخرافات التي عششت في هذه الأمة. Donc, et il en résulte, frère en Allah, ils ont des impacts. Et que, ils ont certaines influences, ils font du mal, etc. Tout ceci, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Donc, mais aussi, il y a certaines choses que les jeunes font faire à d'autres. Il ne faut pas se faire avoir. Hein? Et il a dit vrai, Layt ibn Sa'd rahimahullah, qui était une éminence de la science, une montagne de la science, et était le mufti d'Égypte à son époque, quand il a dit, quand vous voyez l'homme voler dans le ciel, ou marcher sur l'eau, prenez ses actes et pesez-les avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. Regardez cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé le puiseur d'Allah. Ces ambiguïtés, qu'on lui dise l'homme il est monté dans le ciel, là il vole dans le ciel, là il marche sur l'eau, ça ne l'a pas atteint. Mais il a dit tout de suite, prenez ses actes et regardez est-ce que ces actes sont compatibles avec le livre et la sunna ou pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne des hommes comme Layth ibn Sa'd à cette communauté pour que ils combattent l'innovation et qu'ils fassent revivre et la sunna, qu'ils combattent ces histoires à dormir debout, qui se sont accaparées de la communauté musulmane. Wa indama dakhala al-Shafi'i rahimahullah Misr wa kana min a'raf an-nas bil Imam Malik hatta an ahl al-'ilm lamma sami'a an asahha al-asanid Malik 'an Nafi' 'an Ibn 'Umar qala wa asahhu al-asanid الإمام مالك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إذ الشافعي من رواة هو ممن روى للإمام مالك رحمه الله ولكن عندما رأى الشافعي رحمه الله الليث بن سعد شهد شهادة الحق وقال الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك وأكثر المسلمين لا يعرفون الليث بن سعد أكثرهم لا يعرفونه. Quand l'imam Shafi'i, pour vous montrer un petit peu la grandeur de Layth ibn Sa'd, rahimahullah. Quand l'imam Shafi'i est rentré en Égypte, et c'était l'homme qui connaissait très bien l'imam Malik, rahimahullah. Et les hommes de science disaient que la meilleure des chaînes de transmission, Malik, de Nafi', le serviteur d'Abdullah ibn Omar, de Ibn Omar, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une chaîne, il y a quatre bonhommes pour arriver au prophète alayhi wa sallam. Il y a l'imam Malik au bout, le serviteur de Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure, c'est une des chaînes en or. La meilleure des chaînes, très élevée. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires. Hein? Il y a deux intermédiaires entre l'imam Malik et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes de science ont dit, la meilleure, la plus grande des chaînes aussi, c'est l'imam Shafi'i de l'imam Malik, de Nafi' d'Abdullah ibn Omar. Parce que Shafi'i, rahimahullah, est quelqu'un qui a rapporté les hadiths de l'imam Malik. Et quelqu'un qui a rapporté, qui a transmis des hadiths de l'imam Malik. Mais l'imam Shafi'i, rahimahullah, quand il est rentré en Égypte, qu'il a vu Layth ibn Sa'd, il a attesté cette attestation de la vérité, il a dit, Layth ibn Sa'd afqahu min al-Imam Malik. Layth ibn Sa'd a plus de savoir que l'Imam Malik rahimahullah. Et beaucoup de la communauté de Muhammad alayhi salatu wasalam ne connaissent pas Layth ibn Sa'd. Et ça c'est une attestation d'un grand imam. Hein? Wal hasil anna Layth rahimahullah qala idha ra'aytum ar-rajul yatiru fi al-hawa wa yamshi 'ala al-ma' la tankhadi'u bih. I'ridu amrahu 'ala al-kitab wa as-sunnah. إن كان موافقا لهما يرجى أن يكون الله أكرمه أما إن كان مخالفا لهما فهو زنديق مخالط للشياطين هم الذين يرفعونه في الهواء وهم الذين يحملونه فوق سطح الماء. Et il en résulte que Layth, quand il a entendu cela, dit, quand vous voyez un homme voler dans le ciel ou marcher sur l'eau, ne faites pas avoir par ce genre d'acte et par ce genre de scène. Et prenez ces actes et pesez-les avec le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, s'ils vont de pair avec, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré, il a comblé de ce bienfait. Hein? Et s'ils sont en divergence avec la parole d'Allah, si ces actes sont en divergence avec la parole d'Allah et l'authentique de la Sunna de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un zindiq qui est mélangé, qui est en compagnie d'Irshayatin. Et c'est eux qui le font élever et qui le font voler dans le ciel. Et qui le font porter sur l'eau. Hada, c'est la compréhension et la vision et la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé le puzzle d'Allah alayhi. Quand ils ont mis le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire sahaba et ceux qui les suivaient à la perfection, quand ils l'ont mis en avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a comblés aussi avec cette clairvoyance et cette science, et les choses, ils n'ont pas de problème dans les situations, ils ne tombent pas dans les ambiguïtés, ils ne se font pas avoir, comme il arrive à beaucoup parmi nous maintenant. فَكَمَا تَعْلَمُونَ كَدَلِكَ كَانَتِ الْجِنِ في عهد سليمان تعمل له أشياء. قال عفريت من الجن أنا آتيك به من قبل أن تقوم من مقامك. فهل الجن لا تأثير أم لا؟ لابد لا تأثير. الجن يقول لسليمان وأنت في مجلسك أروح وآتيك بعرش ملكة سبع وأرجع إليك. والجن عندهم قدرات لا يملكها البشر. Allah, comme vous le savez, vous le lisez tout le temps. Dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans l'histoire de Suleyman alayhi salatu wassalam. Et le djinn travaillait pour, était au service de Suleyman alayhi salatu wassalam. Il faisait des tricks. Il a un de leurs grands un jour, il a dit, le trône de la reine de Saba, avant que la réunion ne se termine, je te le ramène. Est-ce que maintenant le djinn, ils ont un impact ou pas? Ils font des choses ou pas? Il dit, relis ton Coran. Regarde, dans l'histoire de Suleyman alayhi salam, les djinns, ils ont des capacités que l'être humain n'a pas. Et malgré tout ça, l'humain peut s'en protéger facilement. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Qul Allahu anhum wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sam'. الجن وصلت إلى الفضاء قبل البشر وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وشهبا. الجن sont arrivés, comment vous l'appelez, les cieux, etc. avant les humains. Et nous prenons place assis pour écouter. Ils écoutent quoi? Pour attraper les nouvelles des cieux. Ils le font où? Dans l'espace. Pas par terre. Ils prennent, ils sont pas sur terre pour pouvoir prendre les nouvelles. Là, ils sont là-bas. Et dans notre verset, nous avons touché les cieux et nous avons trouvé qu'il est plein de d'armes qui se jettent sur nous. C'était au moment Hada, selon la parole de certains exégètes, c'est au moment de l'envoi de Mohammed alayhi salam, de la naissance de Mohammed alayhi salam. Donc c'est-à-dire les djinns bougent, font des trucs que l'être humain ne peut pas faire. Imagine que certaines catégories de djinns, leur fonction c'était de chercher les perles à Suleyman alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que la plongée sous-marine, ils la connaissaient. Avant, costaud et tosto et tosta. Avant. À l'époque de Suleyman. Imagine la puissance qu'ils avaient. Il est évident que dans leur plongée, ils vont arriver plus que là où arrive l'être humain qui part lui avec des bouteilles de gaz qui tombent en panne, en chemin, etc. Imagine la puissance que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Dire que ce monde a vécu des civilisations qui, ce que nous vivons actuellement, c'est du domaine de l'illusion par rapport à ce qu'est au royaume de Suleyman alayhi salatu wassalam. Là maintenant, tu es ébahi. Tu mets ton ordinateur, tu rentres sur une mécène, tu appuies, tu veux parler à ta femme ou à ton fils, tu appuies, caméra, ton, t'attends à laps de temps. D'après ta la vue, la parole. Et des fois, il y a un petit décalage. Et pourtant, tu es ébahi parce que peut-être ton fils, il est aux antipodes. Et toi, tu es à Rennes. Et pourtant, tu l'as en face de toi. Tu vois la maison, comment il est, etc. Par rapport à ce qu'il y avait chez Suleyman, c'est le domaine de l'illusion. Et c'est petit. Quand tu sais que le trône de la reine de Saba est venu devant Suleyman, alayhi salatu wassalam, avant que ses yeux ne clignent. Et le trône de Suleyman et ce que faisaient les peuples avant, c'était quelque chose d'énorme. Ce n'est pas comme les chaises en carton que nous avons maintenant. Ou là, les trônes qu'il y a maintenant, ils ont que du nom du trône que le nom. Mais sinon, il ne faut pas se faire avoir. Bien sûr, il y a du progrès, etc. Mais il faut savoir qu'il y a eu quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu vis maintenant. والمقصود أن العاقل الموحد لا يشك قيد أنمل في قضية التوحيد فهذا دين الله وهذا دين الأنبياء والرسل جميعا حتى وإن رأينا ما رأينا فلا تشتبي علينا الأمور. Résultat, c'est que celui qui est doué de raison, le monothéiste doué de raison, qui a la tête sur les épaules, ne doute pas un instant sur le sujet du monothéisme. Que le monothéisme, c'est la religion d'Allah. Et c'est la religion vers laquelle ont appelé tous les messagers, alayhi salatu wassalam. Même si tu vois tout ce que tu vois, le monothéisme est la plus importante des choses. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما مات في السجن بقلعة دمشق رحمه الله ألف معظم كتبه من صدره كأنه يكتب من كتاب أمام عينيه وعندما تقرأ ردوده على الفلاسفة وعلى المنطقيين وعندما ترى تخريجاته للحديث وطرق الحديث وكتب الاعتقاد والسنة جمع رحمه الله تعالى علوما شتى لم يجمعها غيره في عصره حتى قال الإمام المزي رحمه الله وهو من أقرانه ما رأيت مثله وما رأى مثل نفسه فبعد موته في السجن وعندما خرجت جنازته قدر عدد من شاهد الجنازة بمئتي ألف شخص. Donc maintenant c'est l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله. Quand il est mort à la citadelle de Damas, en prison, la majorité de ses livres, il les a écrits en prison. Rahmatullah alayh. Il n'avait pas de livre, il écrivait tout de sa mémoire. Comme s'il avait un manuscrit qui était ouvert devant lui. Et il écrit. Hein, de mémoire. Et quand tu lis ces répliques qu'il a fait aux philosophes, aux gens de la logique, aux gens de la spéculation, il y a tous les égarés, que ce soit les sophies ou autres. Tu t'étonnes de la science avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cet homme. Quand tu lis donc l'analyse qu'il a fait des chaînes de transmission du hadith et tout ce qu'il a écrit au niveau des croyances et au niveau de la sunna, et cet imam a réuni toutes les spécialités de la science. Hein? Toutes ces spécialités dans la science de la religion, il les a réunies, rahimahullah ta'ala. À tel point que l'un de ses contemporains, qui était un grand imam aussi, l'imam al-Mizzi, rahimahullah, il disait, et qui était son contemporain, je n'ai pas vu comme lui. Et pourtant, qui c'est le Mizzi? C'est énorme, c'est une montagne de science aussi. Et il a dit, et je ne crois pas que Ibn Taymiyyah a vu comme lui-même. Et quand il est mort en prison, son cortège, on rapporte que 200 000 personnes étaient présentes au cortège de la mort de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. وكان بعض أهل السنة والجماعة يقولون لبعض أصحاب البدع بيننا وبينكم الجنائز فإمة أهل السنة يموتون وتجد ما شاء الله الكل يحبهم حتى أن بعض أهل الانحراف وبعض أهل الكتاب يتبعون جنازتهم وهذا لا يحظى به أهل البدع. Et c'est ce qui a poussé un petit peu à dire à certain nombre de sciences de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, à certains innovateurs, il leur a dit, entre nous et vous, et allez, le cortège funéraire. Les gens de la sunna, souvent, leur cortège, il est très grand. Et même des fois, les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, viennent et reconnaissent leur valeur. Hein? Et ceci n'est donné qu'aux gens de la sunna, il n'est pas donné aux gens de l'innovation. Le sunnati wal jama'a hum ahlul haqq. Le tawhid, les gens de la sunna, ceux qui sont unanimes sur la sunna, ce sont les gens du monothéisme. Et le hasil, le maqsoud min hadha al-kalam, anna shaykh al-islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, kana qad allama ashabahu al-tawhid, faja'ahu ba'du thalamidatihi faqala lahu, wa nahnu fi ma'rakati kada wa kada, hasarana al-adu, fastanjadna bik, faraayna ka ji'tana fil hawa'i ta'iran. قال لهم هل هذا الذي جاءكم طائر نفعكم بشيء قالوا له لا أقال لهم هذا شيطان تمثل في صورتي. Donc, et ce qui nous résulte de ce passage sur Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, c'est que Ibn Taymiyyah a appris à ses disciples le monothéisme et les croyances authentiques. Et un jour, un de ses élèves vient le voir et lui dit, un jour on était dans une bataille, nous étions encerclés par l'ennemi. Et nous t'avons demandé aide. Nous t'avons vu voler dans le ciel. Il leur a dit, est-ce que cette chose que vous avez vue sous forme d'oiseau voler dans le ciel, vous a été utile d'une chose? Vous a aidé ou là vous a fait quelque chose? Ils lui ont dit non. Donc c'est un shaitan. C'est un shaitan qui a pris mon image. C'est un shaitan qui a pris mon image. Wa ashabu al-turuq al-sufiya yahkuna annahum yashhaduna أحدا من المشيخة والمخرفة هذا يقبل اليد هذا يقبل الرأس هذا ينحني فلما تحضر الصلاة يخرجونهم إلى الصلاة وهو لا يخرج إلى الصلاة وسأل البعض لماذا الشيخ لا يأتي إلى الصلاة وأجيب أنت لست في المستوى الذي تفهم فيه الأشياء هل الشيخ من مستوانا حتى يصلي معنا؟ ائت وانظر فرفعوا حجابا فإذا بالشيخ يحرك يديه يمينا وشمالا فسألهم قائلا ماذا يفعل الشيخ فأجابوه إنه يسبح إلى مكة للصلاة هناك فيصدق وتنطلي عليه الفرية لماذا؟ لأنه تربى على الخزعبلات وعلى البدع وعلى القصص وعلى الشركيات دونك. Ceux qui sont dans certains sectes, prenez par exemple les Yassinites, proches de vous, hein, ils croient que le Rasoul Salam vient chez eux, il assiste à leurs assises de conseil, qu'Abou Bakr Siddiq assiste avec eux, et ils le voient en éveil, etc., que les anges descendent. Même certaines fois, ils ont dit, ah, l'ange Gabriel est venu nous défendre lors d'une manifestation, subhanallah. Depuis quand Jibril descend, depuis la mort de Mohammed alayhi salam, depuis quand il est redescendu? Hein? Et ils croient en sa ferme. Hein? Et pour le procès de certains parmi eux, ils disent que oh, l'ange il arrive, il dit, il dit même pas l'ange, quand c'était le procès de la fille du fondateur du parti, il dit c'est le prophète qui est venu faire l'avocat à Udubillah. Et il a dit au président du tribunal, tu vas te calmer toi, c'est toi qu'on va juger à Udubillah. Où est-ce qu'on va? Hala, quand on a vendu sa raison aux histoires à dormir debout et aux machaïrs du mal, hein, et ceux qui font le business avec la religion, ben on arrive à ce point-là. Ah, celle qu'on rapporte de certains parmi ces chouïrs d'Al-Turuq, on voit dans leur salle, etc. Hada, il baise la main, Hada, il baise la tête, Hada, il se plie, Hada, etc. Je ne sais pas si vous avez vu déjà le maître d'Yel Tariq al-Boutchichia, comment on se plie, on s'incline devant, alors qu'il est presque, il ne bouge pas, il est sur un matelas, comment on s'incline pour venir le saluer, etc. Et ça c'est l'islam que l'Occident aime, à tel point que en 2005, l'ambassadeur des États-Unis a assisté à une soirée d'Yel Boutchichia. Hein? Et ça, comme a dit un journaliste, là, un orientaliste sur les ondes de France Inter, ça, c'est l'islam qu'on aime. Hein? L'islam d'Yel Derbouka, d'Yel les histoires à dormir debout, l'islam qui crée Walt Disney dans l'imaginaire, qui fait endormir les gens. Hein? L'islam où les chouïrs s'envolent dans le ciel et marchent sur... Hein? L'islam où Cheikh vient et te délivre de la catastrophe qui allait t'arriver au fin fond de la mer. Hada, ils aiment bien. Même à Walt Disney, ils ne sont pas arrivés à créer ce que les... à compter les histoires qu'on raconte dans certains sectes soufis. Avec leur imagination, etc., ils ne sont pas arrivés à certaines situations, hein, comptées par le Mashiach d'Yel Sofia et hein, les disciples d'Yel Sofia. Le Kahal, hein, quand il a terminé, tout le monde baise la main, etc., etc., après, il n'est pas sorti faire la prière à Cheikh. Et il leur dit, mais pourquoi il ne vient pas prier? Il a dit, tu crois que lui, il est à notre niveau pour prier avec nous? Toi, tu n'as rien compris encore. Attends un petit peu, tu comprendras plus tard. Ils l'ont amené dans un coin, ils lui ont tiré le rideau. Il dit, regarde, chéri, t'es comme ça, avec les mains qui bougent à droite et à gauche, en train de leur dire, hein, ramenez juste votre rosaire et allez-y, priez, tout le monde, le gars. Hein. Il a dit, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il a dit, en train de ramer pour arriver à la Mecque pour faire le mghrab là-bas. Subhanallah. Et ça gobe. Pourquoi ça gobe? Parce que ça n'a pas été éduqué sur les règles du monothéisme. Ça n'a pas été éduqué sur le monothéisme. Ça n'a pas été éduqué sur le suivi de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que ça gobe. On dorou nabiyuna alayhi salatu wasalam usliya bihi marratan wahida. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Notre prophète عليه الصلاة والسلام, Allah il l'a élevé, il l'a amené vers l'ascension vers le ciel, vers le septième ciel, hein, une seule fois dans sa vie. Et Allah سبحانه وتعالى nous l'a compté dans le Coran. Gloire à celui qui a fait l'ascension à son serviteur. De nuit vers la mosquée, de la mosquée al-Haram, vers la mosquée de Jérusalem, hein, pour, autour de laquelle Jérusalem et cette région est bénite min Allah Azza wa Jal, pour qu'on lui montre le signe. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend et celui qui voit. Hada notre prophète, c'est une seule fois l'ascension. Hada 6-5 fois par jour. Al-Fajr, Dohor, Asr, Maghrib, Isha. Je ne sais pas quand est-ce qu'il reste avec nous. En plus, je ne sais pas comment ils font le décalage horaire. Nous, quand on a par exemple en France, l'Asr c'est l'Isha là-bas, qu'est-ce qu'ils prient dans ces cas-là? Est-ce qu'ils prient à l'horaire d'Yala Mekka ou là ils prient à l'horaire de France? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afir. Quand on est accaparé avec l'ignorance, et quand on ne maîtrise pas les règles de sa religion, ben, fa akhal islam, fa on Allah azza wa jal, hein? Il faut maîtriser les règles de notre religion. Il faut maîtriser le monothéisme. Il faut maîtriser les croyances, comme il se doit. Et les demander, hein, et demander notre science chez les hommes de science dignes du nom, pour être préservés de ce genre d'histoire à dormir debout, pour ne pas tomber dans le filet de ces gens. Il faut qu'on s'acharne à apprendre notre religion. Donc priorité, le monothéisme est ce qui est dû à Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel nous allons baser tous nos actes. Hein? Et aussi apprendre le reste de notre religion. Ce que, et on commence par des priorités. Ce que nous avons besoin dans notre 24 heures. Dans tes 24 heures, quand tu maîtrises ton monothéisme, et apprends aussi ce que tu as besoin dans tes 24 heures. Tu as besoin de savoir comment faire tes ablutions. Comment rappeler ta prière. Tes invocations du matin, tes invocations du soir. Si tu commerces, tu dois savoir les règles du commerce, etc. etc. Et ainsi de suite. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu dois l'apprendre, tu dois la maîtriser. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois avoir une preuve avec toi, frère en Allah Azza wa Jal. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous, hein, la demande de la science. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des réels monothéistes, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.